seul à la lumière de la lune. Toi et moi, au bord de la mer, on parlera d'amour. Je suis là pour te donner mon cœur. Sayon, Peter, wanna be illusion, give me illusion soul. Doing good to make the blue sky, give me illusion soul. Sayon, Peter, wanna be illusion, give me illusion soul. Doing good to make the blue sky, give me illusion soul. Oh,